Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Nous retrouvons Franck Ferrand aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour François, bonjour à tous. Quel 20 mars avez-vous choisi de nous rappeler? Alors un 20 mars qui n'est pas sans écho de nos jours François, il s'agit du 20 mars 1956, Le jour où la France a reconnu l'indépendance de la Tunisie. Le pays était sous protectorat français depuis 1881. La voie vers l'indépendance était ouverte depuis quelques années. Pierre Mendès France avait déjà concédé l'autonomie interne de la Tunisie en prononçant le fameux discours de Carthage. C'était 2 ans plus tôt. Mais ce 20 mars 56, là, c'est officiel. Et les Tunisiens l'avaient toujours réclamé, cette indépendance? Oui, depuis le début, les Tunisiens ont résisté à l'extension de la présence française. Mais depuis le début des années 50, les émeutes, les manifestations ont connu une recrudescence. Et à la tête des partisans de l'indépendance, on trouve évidemment un certain Habib Bourguiba et son parti, le Néo-Destour. Et c'est lui qui prendra le pouvoir après l'indépendance. En effet, il proclame la République en 57, il devient le premier président de la Tunisie. Notez bien que nous sommes en pleine guerre d'Algérie à l'époque et du reste, il y a un certain nombre d'affrontements qui vont opposer l'armée française aux Tunisiens. À l'époque, la France continue de disposer notamment sur le territoire tunisien d'une base militaire, et ça c'est absolument essentiel, c'est la base de Bizerte. Bourguiba va obtenir que la France y renonce en 1963. Il nationalisera en même temps les terres des étrangers, notamment celles des anciens colons français. Et cette fois, on peut dire que la Tunisie est réellement indépendante. Bourguiba va rester au pouvoir jusqu'en 1987. Après, ça a été le temps de Ben Ali, bien entendu, jusqu'en 2011, jusqu'à ce qu'on a appelé le printemps arabe. Alors, j'aimerais bien connaître les chapitres suivants, mais là, ceux-là, ils sont évidemment en train de s'écrire. Vous êtes impatient, Franck, mais votre boulot, c'est de nous raconter l'histoire passée. D'ailleurs, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Et oui, c'est aujourd'hui la journée de la langue française. Nous évoquerons Charles Perrault, l'homme du Petit Pousset et du Chaboté. Eh bien ça c'est super, on va retomber en enfance grâce à vous. Merci Franck Ferrand, à tout à l'heure donc, 14h pour Au cœur de l'Histoire. À venir dans la prochaine demi-heure, on sera avec